C'est vrai que du coup, je me suis posé des questions sur la Seconde Guerre mondiale, donc en fait avec quand même une donnée sur tout ce qui est négationniste et tout ça. Presque tout ce que mes parents nous ont exposé, j'y ai cru. Notre devoir, c'est d'être complotiste pour dénoncer les comploteurs. Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle chez nous BFM TV? Qui? Ben c'est la communauté que vous connaissez bien. Ni oubli, ni pardon pour tous ces enfoirés. Rien. Sachez bien que vous allez payer. Réveillez-vous! Tout est calculé! Du complotisme, de la désinformation, du harcèlement, ça a été très très très dur. Je réalise que les personnes qui rentrent dans ces récits complotistes sont en train de se créer une réalité alternative. Bonjour à toutes et à tous, je suis Héloïse Weiss et je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch. C'est à des centaines de kilomètres de Paris que nous avons rendez-vous aujourd'hui. Je ne vous dirai pas où ni à quoi ressemble Gabi, qui nous accueille chez elle dans sa maison, pour nous raconter l'histoire que vous allez entendre. Âgée d'une trentaine d'années, elle revient pour nous sur sa jeunesse au sein d'une famille croyante et qui peu à peu s'est laissée happer par des idées xénophobes, antisémites, survivalistes et bien sûr complotistes. Des théories auxquelles Gabi a aussi cru avant de s'en détacher progressivement. Je viens d'une famille très catholique. Avec les parents, donc mariés, ma mère qui était au foyer, mon père qui travaillait, et j'ai trois grands frères. Donc je suis la dernière de la famille, donc une famille de six. Mes parents étaient très pratiquants, très croyants. Ils sont issus aussi de milieux très croyants, pratiquants eux-mêmes. Et en fait, ils ont toujours eu une vision de la religion très centré sur le mystique. C'était pas seulement la pratique du rite, etc., puisqu'on allait à la messe tous les dimanches, on a tous fait communion, confirmation, profession de foi, vraiment la totale. Et en fait, ils nous ont toujours baignés là-dedans, dans cette croyance qu'il y avait Dieu, mais qu'il y avait aussi le démon. Des possessions démoniaques aussi. Mon père nous a fait part d'un livre de satanisme qu'il avait eu entre les mains. Et donc, en fait, c'était vraiment cette croyance de la religion sur son côté très beau amour, mais aussi, en fait, la dichotomie avec quelque chose de très noir, de très, voilà, d'une bataille perpétuelle entre le bien et le mal. Et donc, on avait aussi cette vision que dans la religion même, tout le monde n'était pas prêt à l'entendre, tout le monde ne pouvait pas le savoir parce que certains refusaient d'avoir ce côté aussi sombre. Et ça en allait même jusqu'à nous expliquer que dans la religion catholique et surtout au niveau de la papauté, il y avait aussi des choses qui nous étaient cachées, il y avait aussi tout un tas de complots et la croyance très ferme que l'Antéchrist allait arriver, par exemple. Dans les années 2000, la vie de Gabi prend un tout autre tournant. Elle et sa famille déménagent dans une grande ville, bien loin de la campagne dans laquelle elle a grandi. Mais sur place, ils se heurtent à la précarité. C'est à partir de ce moment-là que le discours de ses parents commence à changer. On s'est retrouvés en centre-ville, dans un appartement assez vétuste. Ils avaient peu de moyens, il fallait que nous six on puisse manger, moi et mes trois frères il fallait qu'on puisse aller à l'école, au collège, au lycée, bien sûr privé, donc avec l'aspect financier obligatoire forcément dans ces cas-là. Et pour eux ça a été très compliqué au niveau économique. La grande ville a fait émerger une dynamique un petit peu différente de ce qu'on connaissait auparavant. Et c'est vrai qu'on est un peu plus au cœur des inégalités sociales. On voit, on se compare davantage dans une grande ville. Et ils ont commencé à avoir une forme de sentiment d'injustice, à voir que des personnes qui étaient arrivées en France peu de temps avant avaient des aides. Eux, ça leur était refusé, ils avaient très peu d'aides. Ils ont eu vraiment cette impression qu'on favorisait des immigrés, des personnes fraîchement arrivées, plutôt que eux, bons français, avec le travail qu'ils faisaient, le fait qu'ils payaient leurs impôts, qu'ils respectaient totalement le système et qu'en plus, ils avaient fait un choix ô combien noble de s'occuper de leur famille, d'avoir des enfants. Donc, un peu ce côté pour la patrie, on fait des choses, donc on devrait être récompensé. Et en définitive, on est desservi par nos choix, alors que des gens qui n'ont pas fait tout ça, on va leur payer des soins médicaux, on va payer ça, alors que nous, on a du mal à joindre les deux bouts. C'était un petit peu la logique qu'ils avaient. Et très rapidement, et puis de toute façon, ils étaient issus de milieux dans lesquels on était déjà politiquement très à droite. Donc forcément, ils se sont très vite rattachés aux idées d'extrême droite. Donc ils étaient très, très, très... Enfin, ils adhéraient énormément au Front National. Donc ça a été déjà beaucoup de racisme, en fait. La grande responsabilité dans cette affaire serait de ne pas dire la vérité sur la véritable vague déferlante de l'immigration en provenance du tiers-monde vers un pays comme le nôtre, frappé par la dénatalité. Oui. Ils regardaient absolument tout. Toutes les vidéos de Jean-Marie Le Pen, presque jusqu'à sa mort, j'ai envie de dire, avec le journal de bord de Jean-Marie Le Pen. Je vous présente aujourd'hui notre 367e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, nous débuterons ce blog par un bref retour en arrière concernant le précédent, dans lequel votre emploi du mot « fourné » en réponse à une de mes questions a suscité un tollé politico-médiatique. Et c'était une figure pour eux rassurante, attachante. Et c'est vrai qu'ils ont adhéré, ils ont toujours adhéré à son discours. C'est non seulement les idées qui leur convenaient parfaitement, mais aussi le personnage et tout ce qui tournait autour, même la famille Le Pen. Pour eux, il y avait un attachement à cette image autour de ce parti politique. Mais ce n'est pas tout. À côté des vidéos de Jean-Marie Le Pen, s'ajoutent d'autres contenus piochés ici et là sur Internet qui façonnent de nouvelles croyances. Une fois un petit peu cette injustice assimilée, ils se sont demandé quel était le but de tout ça. Pourquoi finalement le gouvernement, les élites qui nous gouvernaient, décidaient de favoriser justement certains aux dépens de d'autres, de créer cette grosse différence entre les personnes, ces différences qui sont injustes. Ils se sont dit que, inévitablement, c'était voulu. Puisque tout est déterminé en haut lieu, c'était forcément voulu. Et justement, à ce titre, ils ont commencé à réfléchir, à se demander si ces élites n'avaient pas des projets qui étaient... qui nous dépassait, où nous le peuple, étions simplement les instruments de cette machination. Ils se sont demandé justement qui étaient ces élites, et très rapidement, et ça c'est assez ancré dans la religion catholique, il y a une appréhension et il y a un rejet de la franc-maçonnerie qui est complètement associé au satanisme. Donc, c'est venu assez rapidement dans leur lecture un peu des événements que les élites étaient francs-maçonnes, elles étaient nécessairement satanistes et en conséquence ils avaient tout un tas de projets dont le but était de nuire aux personnes. Dès lors, même à l'époque, au début des années 2000, c'était très rapide de faire le lien entre franc-maçonnerie, judaïsme et satanisme. En fait, tout ça, quelque part, était un petit peu mélangé, puisque, en tant que catholique, ceux qui avaient tué Jésus, c'était les juifs. Finalement, c'était assez simple de dire que les juifs sont proches du satanisme. Et ils ont une lecture un petit peu globale de tout ça, à se dire que ceux qui nous gouvernaient étaient beaucoup des juifs, des francs-maçons, et donc, hop, autour du satanisme, tout gravite là-dessus. Donc les projets sont pour nuire à la population et au commun des mortels, la destruction de la famille, ce genre de choses, c'était dans leurs projets. Je me souviens de moments où ma mère écoutait la radio et dès qu'elle entendait les informations, c'était justement l'occasion de rebondir sur des choses qu'ils avaient entendues et ce qu'ils nous donnaient aux informations était mensonger. La réalité était autre. S'il y avait un non-juif à la radio, dans un film, c'était vraiment tout de suite, ça réagissait, il réagissait en disant encore un. C'était des phrases comme ça en fait. C'était très, c'était permanent en fait. Les parents de Gabi font une autre découverte en 2010, le site Égalité et Réconciliation. Vaisseau amiral de la complosphère, il relaie encore aujourd'hui une quantité vertigineuse de contenu qui dessine une vision, celle d'un monde sous domination juive. Dans ce vortex de vidéos, polémistes et pseudo-experts y vont de leur analyse et les sujets sont variés. C'était des vidéos d'actualité sur tous les sujets. Ça pouvait être justement le journal de bord de Jean-Marie Le Pen, comme ça pouvait être des choses sur l'alimentation et comment se soigner par les plantes. Ou alors, il y avait vraiment absolument tous les sujets d'actualité. Donc, on va faire un petit point sur le 11 septembre. La République française, laïque, maçonnique, satanique et antisociale. Oui, la République française est un Moloch. Mais aujourd'hui, effectivement, il faut combattre à mort le LGBTisme, le cancel, le woke, l'intersectionnel, comme idéologie de mort produite par nos élites pour nous détruire. Quand on commençait un repas, on s'asseyait autour de la table et mon frère, systématiquement, puisque c'était son rôle, ouvrez l'ordinateur sur la page d'égalité et réconciliation. On n'avait même pas à en parler. C'était comme ça que se passait le repas. Et finalement, on regardait ces vidéos les unes après les autres jusqu'à avoir tout vu sur les dernières publications. Et à la limite, la conversation s'orientait sur ce qu'on venait de voir. Mais c'était vraiment au mieux. Égalité et réconciliation a été fondée en 2007 par le polémiste Alain Soral. Alain Bonnet, c'est son vrai nom, a été multicondamné pour apologie de crimes de guerre, négationnisme et incitation à la haine raciale. Il se réclame même du national-socialisme. On peut donc dire que le satanisme envisagé de façon sérieuse est une branche du judaïsme. Hein. Je dis bien sûr qu'il y a un grand métissage qui est en cours. Est-ce qu'on ne se sert pas l'équipe de France Noire comme vitrine? Qu'il faut négrifier la France pour être performant. Vladimir Poutine lui-même serait dans l'époque actuelle et à venir le catéchone qui permettrait d'empêcher le triomphe définitif du mal sur Terre. Donc cette communauté organisée a décidé qu'elle vous avait dans le pif, que vous n'étiez pas dans ses cartes et dans son jeu. Tout secteur qui se féminise est un secteur qui se déprécie. Depuis 2019, Alain Soral vit en Suisse pour échapper à la prison en France. Voilà pour les éléments biographiques. Mais revenons aux années 2010. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où la famille de Gabi fait la découverte d'égalité et réconciliation, c'est vraiment l'heure de gloire d'Alain Soral. Il fallait tout le temps regarder les nouvelles vidéos, on n'en ratait aucune. Donc c'est pour ça que très rapidement aussi, on a eu accès à Dieudonné. Ce qui obsède l'artiste, ce sont décidément les Juifs. Au détour de la plupart de ses sketchs, des salves antisémites. Jusqu'à cette charge contre Patrick Cohen, l'animateur de France Inter, qui voudrait interdire l'humoriste d'antenne. Et tu vois, lui, s'il est Antoine, je suis pas sûr qu'il ait le temps de faire ses valises. Moi, tu vois, quand je l'entends parler de Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz. Je suis moi-même allée voir plusieurs spectacles avec mes parents, avec mes frères. Il y avait quelque chose de... Voilà, on se sentait galvanisé d'être au milieu de tout un tas de gens qui semblaient penser comme nous, et c'était rassurant en fait. Et des gens de tous les milieux, de toutes les origines, il y avait presque quelque chose de génial à se sentir en communauté, rassurant. Matin, midi et soir, Gabi est abreuvée de discours complotistes. À l'époque, elle n'est encore qu'une adolescente, mais ses théories, c'est vrai. Elle y croit. C'est vrai que du coup, je me suis posé des questions sur la Seconde Guerre mondiale, donc en fait avec quand même une donnée sur tout ce qui est négationniste et tout ça. Je pense qu'il y a eu, presque tout ce que mes parents nous ont exposé, j'y ai cru. J'y ai cru aussi parce que c'est extrêmement bien fichu, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'à moins, maintenant, avec le recul, je parle évidemment, à cette époque je ne l'avais pas, mais en fait, à moins d'être expert de chacun des domaines dont on parle, donc historien, archéologue, voilà, tous les sujets abordés, ou médecin, ou machin, on ne peut pas démonter une théorie du complot. Parce qu'en fait, elle va chercher trop de références, trop de choses, trop pointues, et tout paraît crédible. Et c'est vrai que dans la sphère familiale où tout était déjà... Ils adhéraient à tout, en fait. Vu que mes parents y adhéraient, on y adhérait. La question ne se posait pas vraiment, en fait. Ses idées, en revanche, elle ne les partage quasiment pas avec ses amis de l'époque. C'est un secret. Un secret qui a une incidence sur ses comportements et son rapport au monde. Et c'est vrai que les positions que j'ai pu avoir à l'époque sur certains sujets, donc par exemple la famille, quand il y a eu le mariage pour tous, etc., je sais que j'ai j'ai fait malgré moi en sorte que des gens s'éloignent de moi. Et je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard à me dire, ah oui, il y a eu, j'ai perdu cette personne en tant qu'amie, etc. Et je suis persuadée que c'est à cause de certains positionnements que j'avais à l'époque qui étaient très, très durs en fait sur certains sujets. Une espèce de vision du monde. Je me souviens qu'une amie m'a dit que j'avais une vision très manichéenne. À cette époque-là, je ne comprenais pas trop le mot et je me suis demandé longtemps après ce que ça voulait dire. Et je me dis qu'elle avait complètement raison, en fait. Parce que finalement, je vivais dans un monde où il y avait le bien, le mal. Tout ce qu'on nous montrait, tout ce qui était mainstream, livres, ça pouvait être évidemment la télévision, les films, etc. Il fallait être dans la méfiance, dans la vigilance, dans quelle idée on veut nous faire, quelle idée on veut nous faire adhérer, quel est le message caché derrière ça, et pourquoi il nous montre ci, et pourquoi tel film, et pourquoi on le met en avant. Et il y avait vraiment tout le temps ces questions de et pourquoi en fait, pourquoi on fait comme ça, pourquoi on nous met telle personnalité en avant, pourquoi il fallait se poser ces questions-là, et c'était devenu vraiment c'était naturel en fait, ça a été naturel et c'est vrai que je m'en rendais absolument pas compte jusqu'à ce que en fait je rencontre mon conjoint qui lui vivait pas du tout dans ce monde là et en fait quand des fois j'avais ce genre de propos à dire ouais mais il nous montre un tel, c'est parce que si, c'est parce que là, il était le premier à me dire mais c'est bizarre en fait de dire ça. Enfin, pourquoi tu crois que... Et en fait, ça n'a pas été tant ce qu'il m'a dit qui a fait que j'ai commencé à comprendre les choses différemment. C'est plus parce qu'en fait, moi, j'ai observé, moi, j'ai vu une famille fonctionner autrement, la sienne, et que j'ai vu une vie plus simple, une vie plus apaisée. Et qu'en fait, je me souviens qu'on a eu ce genre de discussion à se dire mais en fait, mes parents, ils se pourrissent la vie. En fait, ils se pourrissent la vie. Ils se pourrissent la vie parce qu'en fait, en permanence, ils cherchent quelque part des choses tortueuses là où il n'y en a pas, ou en tout cas, où il n'y a pas lieu d'être. Et finalement, on se disait, mais tant bien même, qu'est-ce qu'ils pourraient y faire ? Rien. Donc pourquoi s'empêcher de vivre ? Pourquoi s'imposer de vivre dans la peur et dans même le sentiment de menace permanent, alors qu'en fait... il pourrait rien y faire, tant bien même ce serait vrai. Donc, quelque part, il y avait ce côté, c'est inutile de s'infliger ça. Pourquoi faire ça ? Et c'est vrai que déjà, ce constat-là, pour moi, ça a été un début de délivrance, en fait, de se dire que la vie, elle peut être simple et qu'en fait, je peux déjà essayer de bien vivre à ma petite échelle avant de réfléchir à des complots mondiaux et peut-être intergalactiques. En fait, c'est que déjà, à ma petite échelle, faire bien les choses... bien vivre, être quelqu'un de bien, c'est déjà pas mal. Il a fallu 10 ans à Gabi pour sortir de l'emprise complotiste. Une décennie durant laquelle, à contrario, elle a vu ses parents contaminés chaque jour un peu plus par des théories fallacieuses. Exemple en 2012, lorsqu'une rumeur de fin du monde, associée au calendrier Maya, est reprise sur les sites internet. Il ne vous a pas échappé que certains annoncent l'apocalypse dans 3 jours, des prophéties inspirées, paraît-il, du calendrier Maya, la prévoit pour ce 21 décembre 2012, donc vendredi. Certains tremblent. Face à cette prophétie, son père décide alors de s'organiser pour se protéger de l'apocalypse. Peut-être que ça allait être environnemental, mais peut-être pas. Ça pouvait être un krach boursier, ça pouvait être en tout cas la fin d'une civilisation. En fait, il allait y avoir quelque chose qui allait se faire dans la douleur, dans la violence. On ne savait pas quoi. Et ça a créé un sentiment aussi d'urgence pour eux. Ils se sont dit, en tout cas, mon père avait à cœur d'agir, de mettre en œuvre quelque chose pour se prémunir de ce qui allait se passer. Il allait se produire forcément quelque chose de très fort. Et il a cherché comment se protéger. Alors évidemment, il s'est intéressé à tout ce qui était survivalisme. Là, ça a été beaucoup de choses, donc à s'acheter du matériel, des choses militaires, tout un tas d'éléments. Je me souviens qu'il a demandé à ma mère de faire des réserves au niveau alimentaire, donc et d'eau. Donc on avait pas mal de place et chez nous, et il y avait toute une partie, je me souviens, une quantité de conserves, de pâtes, de choses, enfin c'était énorme. Et en fait ça s'est fini dans l'année avant la date fatidique, qu'avec leurs petites économies, ils ont acheté un bunker. Donc, dans un espace complètement isolé, une forêt. Et c'était un ancien bunker de l'armée française qui était à la vente. Et donc, ils ont mis toutes leurs économies pour acheter ce lieu. Et je me souviens, puisque j'y suis allée avec mon père à la première visite, une fois qu'il a eu les clés. Et il était ravi de voir ça, ça le rassurait. Il voyait tout un tas de possibilités. Et dans les années qui ont suivi, il y allait de temps en temps pour amener des choses, du matériel, tout un tas d'éléments. Donc je sais qu'il y a beaucoup de choses dans ce lieu, au cas où. Ce bunker, il a coûté plusieurs milliers d'euros. Mais ce ne sont pas les seules dépenses des parents de Gabi. Comptez aussi des dizaines de livres achetés sur Contre-Culture, la maison d'édition d'Alain Soral, et des investissements dans la crypto-monnaie d'un certain Dieudonné. Le Sestrel. Et donc, je n'ai jamais su combien ils ont mis individuellement chacun. Mon père a commencé à m'expliquer qu'ils avaient tous investi de l'argent. Donc, mes frères, il a poussé mes frères à investir de l'argent. Lancé en 2019 et prévu pour 2020, cette crypto-monnaie n'a toujours pas vu le jour. Je me souviens de ce discours de mon père où il expliquait qu'en fait, c'est une monnaie qui allait rapporter des sommes folles, qu'il fallait surtout pas prendre peur parce que ça allait monter très, très, très, très haut et que tant bien même, il faudrait être très patient parce que ça allait être indécent. Et donc, il y croyait. Et c'est vrai que c'est amusant parce que des années après, j'y ai repensé, j'ai voulu aborder la question avec eux. Et en fait, j'ai même pas eu finalement j'ai pas vu l'intérêt de le faire parce que s'ils étaient richissimes, je l'aurais su quand même. Donc en fait, voilà, là, ils ont, encore une fois, ils ont dépensé de l'argent. Ils ont perdu de l'argent à cause de toutes ces théories-là. Et sans surprise, ses parents se sont peu à peu orientés vers des médecines dites alternatives, quitte à mettre leur vie et celle des autres en danger. Ils ont acquis la conviction qu'on cherchait à nous nuire, on cherchait à nous rendre malades pour vendre des médicaments. Tout ça, c'était d'une évidence très très forte pour eux. Et en fait, ils ont petit à petit aussi pris le chemin de toutes ces choses autour de la naturopathie, de se soigner avec des médecines alternatives, puisque anti-vax, et pas que depuis Covid, bien avant, c'était déjà dans leur croyance. Et au final, on nous empoisonne. Voilà, ça a été le dentifrice, on nous empoisonne avec le fluor, même les déodorants, etc. Donc, ils ont commencé à prendre la voie de créer eux-mêmes leurs produits, leurs dentifrices, leurs déodorants, petit à petit, leurs lessives, le machin. Ses parents deviennent aussi des adeptes de Thierry Casasnovas, chantre du jeûne et du crudivorisme. Il affirme dans des vidéos que ce régime alimentaire peut guérir le cancer, le sida ou encore la dépression. Si vous êtes atteint du cancer, vous êtes concerné par cette maladie ou si un proche est concerné par une maladie, vous avez peur. Vous avez peur parce que vous pensez que vous allez mourir. Et ça fait partie du marketing du cancer. Sa chaîne YouTube compte aujourd'hui près de 3 millions d'abonnés. Il a été mis en examen pour abus de confiance, exercice illégal de la médecine et pratique commerciale trompeuse. Donc, il y a eu aussi toutes ces théories sur le crudivorisme sensoriel, sur comment on peut se soigner avec que des éléments naturels, éviter tous les médicaments, éviter même de fréquenter tout ce qui était médecin, dentiste, etc. Il fallait complètement s'extraire de tout cet aspect-là. Et mes parents, déjà, à force de manger cru, d'être complètement de refuser toute l'alimentation transformée et cuite, ils ont perdu énormément de poids en quelques mois. Mais ils étaient très, très maigres. Si bien que, déjà, ma famille, mes grands-parents, quand ils les avaient vus quelques mois après qu'ils aient commencé un petit peu ce régime-là, je crois qu'ils faisaient aussi des jeûnes intermittents. En fait, ils se sont demandé s'ils étaient malades. Mais vraiment, ils ont eu très, très peur, en fait. Ils les ont pensés maladifs. Après, j'ai mon grand-père qui a eu un cancer, et donc le père de mon père, et il lui a conseillé à ce moment-là, puisqu'il était dans tout ce qui était Casasnovas et compagnie, il lui a conseillé de se soigner avec des plantes. À ce moment-là, mon grand-père refusait de faire une chimio, il était très âgé, mais voilà, pour lui, c'était la solution. Donc il l'a orienté vers là, et évidemment que ça ne l'a pas soigné. Ensuite, j'ai entendu pas mal de fois mon père parler de solutions pour se guérir, en fait, de absolument toutes les maladies, avec un espèce de remède miracle qui se fait à base d'acide chlorhydrique. Moi, je ne suis pas chimiste, mais je sais que c'est quand même un peu potentiellement dangereux. Et moi, dans ma réflexion aussi, je me suis dit, mais potentiellement, il pourrait faire du mal à ses proches, à la famille. J'ai un enfant en bas âge, je me suis dit, je ne pourrais pas leur confier, de peur que pour son bien, il lui donne des espèces de remèdes comme ça. Il y croit fermement, mais peut-être que, voilà, il pourrait faire des choses qui feraient du mal aux gens autour de lui. Je suis extrêmement inquiète pour eux. Quand ils ont fait différents choix de vie, de déménager, etc., j'ai entendu tout un tas de possibilités qui me faisaient extrêmement peur. Ils étaient prêts à s'isoler, être dans des zones de déserts médicaux. Or, ils sont vieillissants, hein, comme tous parents. Et effectivement, les problèmes de santé peuvent arriver. Donc j'étais inquiète des choix qu'ils pourraient faire, de ce que ça pourrait être pour eux, quel avenir en fait pourrait être le leur. J'étais inquiète aussi, alors à un autre degré, mais pour mes frères, qui finalement n'ont pas réussi à s'extraire de tout ça, donc ils sont restés très enfermés là-dedans, ils sont très introvertis, ils n'ont pas vraiment de vie sociale, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de famille, enfin en tout cas ils n'ont pas de copines, d'enfants, ils sont restés les enfants de leurs parents, et c'est vrai que je m'inquiète de la possibilité, par exemple, qu'ils réalisent en fait qu'ils ont raté une partie de leur vie, en tout cas qu'ils ont loupé quelque chose. Je m'inquiète énormément de tous les choix qu'ils peuvent faire, en fait. Voilà, c'est vrai que c'est une source d'inquiétude permanente. J'essaye de m'en détacher, forcément, parce qu'il y a un moment donné où il faut savoir se préserver, et c'est ce que j'essaie de faire. Mais oui, ça reste hyper inquiétant, parce que on peut même pas en discuter. Avec mes parents, j'ai peu plus de contact, vraiment, on va dire, en tout cas de manière très très épisodique. On a eu beaucoup de disputes très virulentes sur les dernières années, qui ont donné lieu en fait à des périodes de silence où on n'échange plus du tout. J'ai essayé peu à peu, par moment, de renouer, parce que je me dis que j'ai pas envie de couper complètement contact, mais je suis même pas sûre d'avoir vraiment ce besoin de leur parler plus que ça, parce qu'en fait ça, je sais que ça n'apporte pas de positif, je sais que même essayer de discuter de sujets lambda, c'est impossible avec eux, il n'y a pas de sujet lambda, et on en est au point où au jour d'aujourd'hui je leur ai dit que la seule possibilité ce serait qu'ils se limitent dans ce qu'ils disent, que je fasse également attention, comme ça tout le monde essaye de garder un statu quo et peut-être qu'on pourrait arriver à quelque chose. Je ne l'ai pas expérimenté encore réellement, donc je ne peux pas dire ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Mais pour moi, c'est plus mes parents, dans le sens où on a un lien de sang, mais plus grand-chose à partager. Vous venez d'écouter Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch. Merci à Gabi pour son témoignage. Cet épisode a été écrit, monté et réalisé par Héloïse Weiss et préparé avec l'aide de Victor Motin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées et n'oubliez pas de vous abonner pour être averti des prochaines sorties. Si vous aimez le podcast, vous pouvez aussi le partager et nous laisser 5 étoiles pour le faire connaître et faire un don sur notre page Ulule. À bientôt.